50. We'll be right back. sûr, putain. Vous savez. Oh putain, le son pourri. Ils ont même fait le bruit du câble. I plug ma guitare. Yeah. guitariques, mais... Routing, input, oh putain, faut que je le note.